Chapitre 24e. La société des petits Water lui donnait toujours une sensation d'escapade. Enfin, il retrouvait son attitude naturelle. Il était lui-même, il était à l'aise. Ce bien-être qu'il avait éprouvé sur le bateau, mais qu'il ne goûtait plus qu'à la dérobée depuis l'arrivée à Cortina, lui revint aussitôt qu'il eut placé sa chaise entre les deux jeunes filles. Il ne voulait pas se dire que Rose était partie. Mais enfin, ce départ lui rendait sa liberté, et il en profitait pour reprendre avec les enfants ses habitudes semi-paternelles et pour lui consacrer toutes les minutes de son temps. Il avait l'impression de rentrer en famille après un laborieux voyage sans nouvelles. Que de choses avaient dû se passer. L'institutrice lui fit le tableau de la situation. Terry allait de mieux en mieux. Le précepteur suisse que Boyne avait déterré à Botson était un garçon consciencieux, que Terry aimait bien. Mais Bun restait ingouvernable. Les trois petites n'étaient pas non plus toujours faciles à diriger. Chipstone avait engraissé d'une livre. Boyne eut une longue conversation avec le précepteur et donna quelques conseils sur le programme des études. Quant à Bun, pour l'entraîner sur le chemin de la science, il faudrait une poigne plus forte. Et tant qu'on lui laissait la bride sur le cou, il n'y avait pas grand-chose à faire de ses sœurs. Blanca elle-même ne dédaignait pas les jeux de ses cadettes, et trouvaient leur mauvais exemple irrésistible quand elles n'avaient rien de mieux à faire. C'était de petits inconvénients, mais le bon air les rachetait. Les mines étaient resplendissantes, Terry devenait un petit garçon joyeux et remuant qui se moquait du thermomètre et redemandait de tous les plats. Aucune nouvelle ne venait du Lido. Boyne se félicitait de son succès. 2 mois de sécurité et la perspective de transborder la petite colonie entre les mains de la grand-mère. C'était un résultat qui en valait la peine. Dès qu'il fut seul avec les enfants, ses sentiments un peu confus à l'égard de Judith s'éclaircirent et il ressentit de nouveau l'affection de grand frère qu'il avait naguère éprouvé pour la jeune fille. Comme il n'y avait plus de grande personne, par conséquent plus de raison de se mettre sur la défensive, elle était redevenue elle-même, c'est-à-dire naturelle et simple. Boyne retrouvait le jeune être qui l'avait charmé. Ou peut-être... c'était le plaisir d'être de nouveau seul avec la petite bande, loin de l'œil du bon sens. Bref, ils faisaient ensemble le meilleur ménage du monde. Même sans la pitié, Boyne se disait qu'il aurait fraternisé avec ses petits amis, rien que pour leur allégresse et leur vitalité. « Au fond, nous ne sommes pas plus sérieux les uns que les autres », se disait-il, et il se mettait avec les petits du même côté de la barricade. Avec la jeune fille, l'entretien, comme à l'ordinaire, roulait sur l'avenir. Quelquefois, Boyne essayait de la faire parler d'elle et de la façon dont elle envisageait son avenir personnel. Il constatait qu'elle n'y avait jamais songé. Au contraire, pour ses frères et sœurs, elle débordait d'ambition. C'était d'abord de ne pas se quitter jusqu'à ce qu'ils fussent grands. Elle rêvait d'une grande maison à la campagne, dont son père lui ferait cadeau, une maison pleine de bêtes, qui serait une volière et une ménagerie, et dans ce cadre, une existence qui tiendrait à la fois des plaisirs de la nurserie et des intérêts des personnes mûres. Pour chacun, la grande sœur voyait une carrière toute faite. Blanca serait une beauté, c'était sa vocation. Terry serait un savant et la lumière de la famille. Judith avait un respect de jeune sauvage pour la science et l'autorité qui s'acquiert dans les livres. Bun serait un champion de course et d'athlétisme. Beachy aurait des tas d'enfants. Quant à Ginny, elle était destinée à être une maligne, ce qui n'était pas un présage tout à fait rassurant. « Mais j'espère bien que ce ne sera pas comme cette petite sournoise de Pixie Lulmer, qui vous a des airs de Sainte-Nitouche et qui est en réalité un petit monstre de connaissances précoces, initié à tous les secrets de la vie d'hôtel. »« Un sale petit crapaud, » conclut-elle, tandis que sa pauvre sœur, Doll Westway, en était tellement dégoûtée de cette vie-là qu'elle a pris le plus court pour en sortir en se brûlant la cervelle. « Et Chipstone ? Mais pour lui on a bien le temps. Il est si gros et si tranquille que je le vois banquier. » Il aura un grand yacht et il nous emmènera tous autour du monde. » Sans rien dire à la jeune fille, Boyne écrivit à la grand-mère. Il avait eu d'abord l'intention de la consulter, mais le départ de Rose avait bousculé tous ses plans, et quand il y repensa, la jeune fille était déjà redevenue pour lui la gamine enjouée de leur première rencontre, et il se sentait retenu par une crainte superstitieuse d'altérer la fragilité de cette illusion charmante. Il n'avait besoin de personne pour plaider auprès de la grand-mère. S'il échouait, elle n'en saurait rien. Il s'étonna d'avoir tant de peine à se persuader de ce caractère enfantin qu'il aimait tant à faire ressortir en parlant d'elle avec autrui, et il redoutait un accident qui viendrait lui retirer cette confiance indispensable. Il fit de gros efforts pour joindre dans sa lettre l'éloquence à la brièveté. Il termina en disant qu'un des parents pourrait se manifester d'un instant à l'autre. Il suppliait Madame Mervyn de répondre télégraphiquement si elle consentait au projet de sa petite-fille. Cette composition lui coûta autant de peine qu'un devoir d'écolier, et quand il eut fini, lui donna l'impression de commencer une nouvelle période de vacances. « Cela fera toujours 15 jours de répit, et après, qui sait? J'aurai peut-être à me charger de ramener toute la bande à New York. » Et il s'attachait à cet espoir avec autant de foi enfantine que sa jeune amie. Rose avait annoncé qu'elle écrirait. Elle se contenta de télégraphier de Paris une première fois pour dire qu'elle avait fait bon voyage, puis une seconde pour faire part de l'arrivée de la tante. Chaque télégramme se terminait par des mots tendres, mais la lettre se fit attendre encore une douzaine de jours. Boyne la trouva un soir au retour d'une longue excursion avec les enfants. Il avait rapidement cessé de s'inquiéter du silence de Rose et de s'apercevoir de la fuite des jours. Il n'ouvrit la lettre qu'après le dîner, pour garder le plus longtemps possible sur les lèvres le goût de la journée. « Elle revient, » pensa-t-il, en décachetant l'enveloppe. Mais non, Rose ne disait pas un mot de son retour. C'était une lettre charmante, tendre, gaie, amusante. L'arrivée de la tante était un petit chef-d'œuvre. Rose décrivait ses ruses pour persuader le tyran de la famille que lui, Boyne, avait toutes les raisons du monde pour souhaiter de se marier tout de suite, et elle ajoutait que déjà le succès lui paraissait en vue. « Mais quand il en serait autrement, cher ami, poursuivait-elle, cela ne serait pas pour modifier mes plans. Je suis décidé à me faire enlever à la barbe de tante Julie. Oui, j'irai jusqu'à faire cette chose formidable si elle me refuse son consentement. Mais il n'en sera rien, et du reste, l'important c'est de faire ce qui nous plaît. » Et non pas de savoir ce qu'elle en pensera. À cet endroit, Boyne tira un cigare qu'il posa auprès de lui en oubliant de l'allumer. « Mais ce qui est plus important encore, c'est d'arriver à nous mettre bien d'accord sur nos projets, n'est-ce pas, cher ami ? L'autre jour, j'ai rendu cet accord impossible pour mon exigence, ma mauvaise humeur et mon impuissance à me placer à votre point de vue. Tout cela n'était qu'apparence, car même à ce moment-là, je vous comprenais très bien. » Et je le fais mieux encore depuis que j'étudie la question avec le recul nécessaire. Vous sentez comme moi que nos décisions comptent assez peu, puisque d'un moment à l'autre, il ne tient qu'à l'un quelconque de cette collection de parents de tout mettre par terre. J'ai tout de même un petit plan de ma façon à vous soumettre. Votre but, c'est d'épargner le plus longtemps possible à ces petits les déplorables conditions et l'instabilité démoralisante de leur existence. C'est bien votre idée, n'est-ce pas ? Pour Chipstone, son père ne s'en séparera jamais longtemps. Zinni et le drôle de petit attelage du prince Buendelmonte seront fatalement réclamés par leurs parents respectifs. Pour votre jeune sirène de Judith, vous avez beau ne pas vouloir vous en apercevoir, c'est une grande jeune fille qui se mariera d'ici un an ou deux, et en attendant, si les parents divorcent, elle ira probablement vivre avec sa mère comme elle l'a déjà fait. En résumé, ce sont les jumeaux qui sont le plus à plaindre. Ils sont assez grands pour comprendre et pas assez pour se faire une vie indépendante. Surtout, ils sont à l'âge où les influences dissolvantes peuvent leur faire le plus de mal. Vous m'avez souvent dit que la santé du petit Terry était un obstacle, quelle horreur, entre lui et son père, et que ce gros plein de soupe, de chip, lui a pris sa place. C'est Terry qui a le plus besoin de soins et de sympathie. Et vous penserez comme moi qu'on ne peut pas songer à séparer cette gentille Blanca du frère qu'elle adore. Voici donc le projet que je vous soumets. Demandez à M. et Mme Water de nous confier les jumeaux, soit au titre d'amis, soit à celui de tuteur, jusqu'à leur majorité. Je serai heureuse de m'occuper d'eux, et je suis sûre qu'à nous deux, nous pourrons en faire des êtres utiles. Si cela vous va, je suis prête. » Boyne ne lut pas plus loin. Il plia la lettre et la fourra dans sa poche, en proie à un accès d'humeur. « Cette chère petite Blanca, des êtres utiles, parlons-en » grognait-il. Proposer comme remède la séparation des enfants, c'était déjà un peu fort. Mais de toute la bande, aller choisir justement la seule pour laquelle il n'éprouvait ni affection ni intérêt. Que ma femme, se disait-il, n'ait de cœur que pour Blanca, entre les quatre petites filles que le hasard a confiées à ma pitié. Voilà un trait de son caractère sur lequel, depuis l'instant de notre réunion, je cherchais à fermer les yeux. Elle l'a choisi parce qu'elle sait qu'elle n'aura pas à en être jalouse. Et après, comme ces femmes... comme c'est humain. Elle-même, elle préfère avoir sous son toit les deux enfants qui lui causeront le moins d'ennuis, quoi de plus naturel. Elle cherche le moindre danger pour son bonheur. Mais si elle m'aimait vraiment, agirait-elle ainsi? Si elle m'aimait, elle comprendrait que je tiens à ses petits en bloc. Elle sentirait que c'est une cruauté de les séparer. Il s'arrêta un moment à considérer cette pensée. Qu'est-ce que son amour dans un cas pareil lui aurait conseillé pour Rose? Aurait-il, par exemple, accepté la vie en commun avec la tante Julie? Ah, cela, jamais de la vie. Mais pourquoi se poser des questions pareilles? Est-ce que les cas se ressemblaient? Renvoyer les petits chez leurs parents. Et quels parents? Une zinnia à la crosse et un buon del monte. Rendre Judith à sa mère. Une mère qui va épouser un Gérard Omrod. Lequel, de l'aveu de Judith, la convoitait elle-même. Cette pensée fit horreur à Boyne, comme le spectacle d'une torture physique. Il se leva, jeta son cigare, et nu-tête, indigné, il sortit dans la nuit. Il prit l'obscur sentier sous bois qui descendait de son hôtel, et gagna à travers champs les pentes qu'il avait gravies avec Judith le jour où il était revenu du Lido. C'est de ce jour-là que datait la jalousie de Rose. Il l'avait bien vue le lendemain, à l'éclair qui traversa son visage attentif lorsque la jeune fille fit une allusion étourdie à cette promenade. Boyne avait dit à Rose qu'il était sorti seul, pour se nettoyer les poumons, et c'est ce mensonge qui avait dû exciter les soupçons de son ami. Sans doute, par cet escamotage, il n'avait fait que se défendre par une sorte de réflexe contre une jalousie qu'il devinait depuis longtemps. Sous l'apparence si calme de son ami, il avait distingué la présence de ce sentiment passionné comme une chose élémentaire qui rôdait autour d'elle dans l'ombre. Elle n'en était, il est vrai, que plus intéressante, mais combien plus difficile à vivre. Un jaloux n'est sympathique que s'il est capable d'exciter lui-même la jalousie. Partager, cette passion se confond avec l'amour. Quand on ne la partage pas, elle rend l'amour impossible. Boyne n'était pas jaloux de Rose. Dans sa fatuité, il n'imaginait même pas cette situation. Évidemment, elle lui aurait été intolérable, mais c'était un problème abstrait qu'il se posait par la pensée comme un problème de géométrie. Il allait ainsi dans la nuit d'été, la tête bourrelée de pensées qui le tourmentaient, et tout en gravissant les pentes couvertes de pin, il se rappelait cette autre nuit si proche, où il parcourait le même chemin avec des ailes, et où l'air lui semblait un baume parce qu'il sentait contre la sienne une jeune épaule et entendait fuser près de lui le rire de l'adolescence. Il rentra si tard à l'hôtel que le portier grincheux et somnolent eut son air le plus maussade pour lui dire « Il est venu une dame. Elle a laissé un colis pour vous. » « Une dame, où est-il, ce colis ?»« Là-haut, j'ai aidé à le porter dans votre chambre. »« C'est tout juste si on a pu tourner le coin de l'escalier. »« Cette dame m'a laissé une lettre. » Qu'était cet objet encombrant et cette dame inconnue ? Boyne, sans s'informer, monta l'escalier 4 à 4. C'était Rose, ce ne pouvait être qu'elle. Elle avait décidé, en bonne tacticienne, de redoubler l'effet de sa lettre par celui de sa présence, et il se sentait en émoi, agité de ce retour subit, qui le surprenait en désordre avant d'être en état de la recevoir. Et qu'était ce paquet si gros qu'elle avait apporté? Il ne la voyait pas faisant le déménageur, fût-ce avec l'aide du portier. Elle, qui n'avait jamais pénétré dans sa chambre, cette chambre où Judith et ses frères entraient comme chez eux. Tout cela ne ressemblait guère à Rose, et pourtant, qui était-ce si ce n'était pas elle? Boyne, en entrant dans sa chambre, vit au milieu un vaste objet empaqueté, un objet de forme bizarre, mal enveloppé dans de vieux journaux. Il arracha l'enveloppe et que vit-il? Un berceau de noyer d'antique forme paysanne. Un berceau. Boyne se jeta sur un fauteuil, n'en croyant pas ses yeux. À ce moment, il aperçut la lettre dont lui avait parlé le portier. Elle était de l'écriture de Terry. « Mon cher Martin, nous nous réunissons afin de vous envoyer ce joli berceau pour cadeau de noces, pensant que vous allez vous marier bientôt et que Mme Sellars est allée à Paris commander son trousseau. » « Vous avez été pour nous un véritable père. Aussi, nous souhaitons que vous ayez bientôt de vrais enfants à vous. En les mettant dans ce berceau, vous voudrez bien vous souvenir de vos petits amis, Judith, Terry, Blanca, etc. » En guise de signature, Chipstone avait tracé une croix tremblotante. Un post-scriptum avait été griffonné par Judith. « Cher ami, je rouvre cette lettre pendant que Terry a le dos tourné. C'est ridicule de vous écrire que ce berceau est joli, mais il l'est tout de même. Et nous tenions à vous le dire, Judith. » Boyne se renversa dans son fauteuil et se mit à rire à gorge déployée, si fort qu'une demoiselle grincheuse dans la chambre à côté cogna rageusement à la muraille en criant avec colère : « On ne perd pas un mot de ce que vous dites, vous deux !»